بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du livre de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى qui s'intitule Bahjatul Qari بفوائد منهجية ودروس تربوية من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري. Donc on est arrivé aujourd'hui au hadith numéro 8 dans le livre. Et comme j'explique à chaque fois, le hadith numéro 8, ce n'est pas nécessairement le hadith numéro 8 dans le chapitre de Sahih al-Bukhari de ce chapitre-là, puisque Cheikh Rabi'a hafizahullah, il a seulement choisi certains hadiths dans le chapitre pour commenter. Il n'a pas expliqué ou commenté tous les hadiths qui sont dans le chapitre. Naam. Donc, d'ailleurs, le livre il est presque fini. Il n'y a pas beaucoup de en tout dans le livre. Le cheikh a commenté 12 hadiths seulement. Donc, on est au hadith numéro 8 maintenant. Donc, le livre est presque terminé. À la fin, il y a une section de questions et réponses. Et il y a des questions qui sont assez intéressantes. Donc, on pourra probablement en profiter et puis lire les réponses aux différentes questions qui ont été posées, Inch'Allah. Tayyib. Donc on commence, Inch'Allah. Le Cheikh, il explique donc dans ce hadith, le hadith numéro 8. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. Donc ici l'imam al-Bukhari il rapporte ce hadith selon Abu Nu'aym, selon Sufyan, selon Al-A'mash, selon Ibrahim, selon Hammam, selon Hudhayfa, radiyallahu anhu, qui dit « Oh, assemblée de récitateurs !» Et ici, il fait allusion à ceux qu'on appelle, ou à ceux qu'ils appelaient à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qurra. Et Al-Qurra, c'était les savants. C'était les savants à l'époque, parce que c'était ceux qui avaient lu le Coran, qui l'avaient mémorisé, qui l'avaient étudié. Donc, c'était les savants parmi les sahaba, on les désignait par cette appellation-là. On les appelait Al-Qurra. Et donc ici, Hudhayfa, radiyallahu anhu, donc ça, c'est pas un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une parole de Hudhayfa, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Oh, assemblée de savants, assemblée de savants parmi les gens qui ont étudié le Coran. » Il dit « Soyez fermes et accrochez-vous et cramponnez-vous à la vérité et restez sur la sunna. Parce que vous avez devancé les autres d'un avance très loin. » Vous avez devancé les autres d'un avancement très lointain. Vous les avez devancés de loin. Alors, si vous prenez à gauche ou à droite, eh bien, ça veut dire que vous vous égarez d'un égarement très loin également. Et donc, c'est comme on dit parfois, si on va très très vite et qu'on dépasse tout le monde et qu'on avance sur un chemin, et qu'on se trompe dans ce chemin-là, on prend la mauvaise sortie, et qu'on avance, et qu'on avance, et qu'on avance, eh bien, si par exemple, après s'être précipité et après avoir devancé tout le monde et après avoir avancé loin sur le chemin, on réalise qu'on s'était trompé de chemin, eh bien, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué de revenir hein, au bon chemin, puis de reprendre la route une fois que, yani, on a devancé et qu'on est arrivé trop loin dans l'égarement et dans le mauvais chemin. Tandis que si parfois on est allé moins loin ou moins rapidement, on a moins devancé, mais quand même on est resté sur le droit chemin, ben on est toujours sur la bonne direction. Donc même si on va lentement, hein, on sait que on est toujours dans la bonne direction. Donc yani, c'est plus facile si jamais on s'est trompé de se corriger ou de revenir sur le droit chemin. Bon, on va lire qu'est-ce que Cheikh Rabi' il a expliqué par rapport à ce hadith-là. Il dit, Abu Nu'aym, huwa al-Fadl ibn Dukayn. Dukayn ou Dakin. Et il dit, wa Sufyan, huwa al-Thawri. Yani Sufyan al-Thawri. An al-A'mash, Sulayman ibn Mahran. Ou ibn Mihran ou Muhran. Il n'y a pas les accents sur les lettres pour déterminer le nom exact, la prononciation. وعن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهمام هو ابن الحارث. Donc ça c'est les narrateurs de ce hadith là. Et ils ont rapporté cette parole de Hudhayfa qui dit يا معشر القراء. Et Cheikh Rabi' il dit al-qurra huna hum al-ulama al-ubbad alladhina yafqahuna kitab Allah wa sunnat rasulih alayhi salatu wa salam. Donc il dit ici hein, Hudhayfa il dit ô assemblée de savants. Il dit al-qurra, ce sont les adorateurs, les savants, les ulama et les adorateurs qui ont la compréhension du livre d'Allah et la sunna du messager et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Hudhayfa il dit istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'idan al-mutasabiquna fil hablati fihim as-sabiqu wa fihim al-lahiq fas-sabiqu huwa alladhi yasilu ila ash-sha'wi wal-ghaya qabla ghayrihi. فإذا استقمتم وصلتم إلى الغاية المطلوبة ومعنى سبقا بعيدا أي واسعا. Donc le cheikh il explique ici que Hudhayfa il dit yani restez sur la droiture, restez droite hein, restez sur, cramponnez-vous sur la vérité, restez ferme. Non, restez ferme sur la vérité. Il dit pas, et donc il dit sur la route, lorsque des gens sont sur un chemin, il y a ceux qui sont en avant et qui prennent les devants, et il y en a d'autres qui suivent. Et donc celui qui est en avant, il arrive à l'objectif et au but avant les autres. Donc si la personne est restée droite, hein, eh bien, vous allez. Et si les gens sont restés droits sur le chemin, ils vont arriver au but qui est voulu et qui est recherché. Et quand Hudhayfa dit sabqan ba'idan, c'est-à-dire, yani, vous avez devancé d'un devancement qui est très large, hein, très loin. D'accord. Donc ça c'est. L'explication ici, après, il dit « فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا إِذَا أَخَذْتُمْ الْجَوَانِبْ وَالْتُرُقْ هُنَا وَهُنَاكَ ابْتَعَدْتُمْ وَاتَّبَعْتُمْ كُلَّ نَاعِقْ لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وهذا المثل أخذه حذيفة رضي الله عنه من قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ف فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهو يدعوهم إلى الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسوله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما فيها بما فيهما وامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما. فإذا فعلوا ذلك سبقوا سبقا بعيدا لا يلحقون فيه. Donc ici le cheikh il dit ensuite que Hudayfa a dit, et si vous prenez à gauche, si vous prenez à gauche et à droite, c'est-à-dire vous commencez à prendre les côtés des chemins et les petits sentiers ici et là, eh bien vous allez vous égarer, hein, d'un égarement lointain. Hein, si vous commencez à suivre toute personne qui appelle à n'importe quoi, yani, eh bien, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez vous égarer d'un égarement lointain, puisque justement, hein, vous avez devancé tout le monde. Donc, il dit, et cet exemple, Hudhayfa l'a pris de quoi? Il l'a pris de la parole d'Allah dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, ce qui signifie « Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le, et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin. » Voilà, voilà à quoi il vous enjoint, hein, si vous souhaitez la piété ou si vous souhaitez avoir taqwa, ou bien pour que vous puissiez avoir la piété ou la taqwa. Et donc, il dit, donc il les appelle à rester sur la droiture du chemin, c'est-à-dire de rester ferme et de s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et d'agir selon les règles qu'il y a dans ces deux sources de la religion, et de mettre en pratique les ordres qu'il y a dedans, et de s'écarter des interdictions qui sont mentionnées dedans. Et une fois qu'ils auront respecté cela, eh bien, ils auront devancé, hein, tout le monde, d'une avance yani, que personne ne pourra jamais rattraper. Et il dit, « وَقَدْ حَصَلَ هَذَا السَّبْقِ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ولا يلحقون في هذا السبق لأنهم عاصروا عهد نزول القرآن وعاصروا هذا النبي وشهدوا نزول الوحي عليه الصلاة عليه وشهدوا نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم فيعلمون ويعملون وكانوا يتعلمون القرآن 10 آيات لا يتجاوزونها إلى غيرها إلا إذا حفظوا 10 آيات الأول وفقهوها وعملوا بما فيها فتعلموا العلم والعمل رضي الله عنهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وبذلوا مهجهم وأموالهم في سبيل الله فهم لا يلحقون. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه والتابعون قريبون منهم ويدخلون في رضوان الله ومغفرته ورحمته يشاركون في هذا في الجملة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فنحن علينا أن نتبعهم بإحسان فنكون على ما كانوا عليه من الثبات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة عليهما وامتثال ما فيهما من الأوامر واجتناب ما فيهما من النواهي وتصديق ما فيهما من الأخبار والإيمان بما فيهما من الوعد والوعيد وتحليل ما أحله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحريم ما حرماه فهذا هي الاستقامة وهي الثبات على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فهذا جزاء من يستقيم على أمر الله فتأتيه الملائكة عند الاحتضار وتبشره بالجنة وتعامله بهذا الأسلوب الرقيق يرى عندها مقعده من الجنة إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا به ووحدوه ونبذوا عبادة غيره تبارك وتعالى وثبتوا على ذلك تأتيهم الملائكة في هذه الحال العصيبة فتبشرهم بالجنة ويريهم الله مقاعدهم من الجنة أما إن كان كافرا أو ضالا يستحق العذاب فإنه يرى مقعده من النار. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que cette avance et ce devancement, hein, il s'est produit de la part des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas être rattrapés, hein, dans cette avance qu'ils ont pris sur tout le reste de la Umma. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été à l'époque de la révélation du Coran. Et ils ont été présents à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur terre. Et ils ont été témoins de la révélation. Ils ont été témoins de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont donc eu la connaissance et ils ont mis cela en pratique. Et ils apprenaient le Coran 10 versets à la fois. Il ne dépassait jamais 10 versets. Hein? Il ne dépassait jamais 10 versets dans leur apprentissage pour passer à 10 autres, excepté après avoir mémorisé ces 10 versets, après les avoir compris, après les avoir mis en pratique. Hein? Et donc c'est ainsi qu'ils apprenaient non seulement la science, mais la pratique également. Et ils ont lutté dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah. Et ils ont dépensé de leur personne et de leurs biens dans le sentier d'Allah. Et c'est pour cette raison que personne ne peut jamais les rattraper. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Par celui qui tient mon âme en sa main, si l'un d'entre vous dépensait la montagne de Uhud en or, hein, ça n'aurait même pas la valeur de ce que le compagnon a donné, hein, d'une poignée de sa main, ou même la moitié d'une poignée de sa main. Donc ça veut dire que les sahaba, ils ne peuvent jamais être attrapés par quiconque de cette umma. Et les compagnons sont suivis des tabi'oun. Et les tabi'oun sont proches d'eux. Hein? Ils ne peuvent pas les atteindre non plus, mais ils sont, hein, eux aussi proches des sahaba. Et ils entrent dans l'agrément d'Allah et dans le pardon et dans sa miséricorde. Donc ils sont associée donc à cet agrément-là de façon générale, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset saint dans Sourate At-Tawbah, As-sabiqoon al-awwaloon, as-sabiqoon, c'est-à-dire ceux qui ont devancé tout le monde, qui ont été les premiers parmi les muhajirin, ceux qui ont accepté l'islam à Mecca et qui ont fait la hijra à Médine, ou al-ansar, ceux qui ont accepté l'islam à Médine, parmi les habitants de la ville elle-même, ou al-ladhina taba'uhum bi-ihsan, et ceux qui les ont suivis avec perfectionnement, avec, hein, avec, yani, avec ihsan, c'est-à-dire de la meilleure façon. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Et Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Donc le cheikh, il dit, alors en ce qui nous concerne, eh bien, nous devons uniquement les suivre, c'est-à-dire suivre les sahaba, avec ihsan, hein, de la meilleure manière, la façon la plus correcte et la plus parfaite, pour être, hein, sur ce qu'ils ont suivi eux-mêmes avec fermeté, de s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de s'accrocher à ces deux, donc, à ces deux sources, et de les mettre en pratique, et d'appliquer ce qu'il y a dans ces deux références de la religion, et également de s'écarter de tout ce qui a été interdit dans ces deux références de la religion, et de croire en tout ce qu'il y a dedans comme information au sujet d'Allah et de sa religion, et de croire en tout ce qu'il y a dedans comme promesses et comme menaces, et de rendre halal ce qui est halal dans le livre et dans la sunna, et de déclarer et de croire en tout ce qui est mentionné comme étant haram dans ces deux références-là. Et donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-istiqama. Voilà ce que signifie al-istiqama, c'est-à-dire de rester droit, de rester ferme, de chercher la droiture et de rester ferme sur la religion d'Allah et sur ce que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a amené. Et le cheikh, il a cité ensuite le verset ou les versets dans Sourate Fussilat, versets 30 à 32, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis qui se sont mis sur la droiture et qui sont restés fermes, les anges descendent sur eux au moment de leur mort et ils leur disent de ne pas avoir peur et de ne pas s'attrister, et ils leur annoncent la bonne nouvelle d'un paradis qui leur avait été promis. Et ils disent: nous sommes vos alliés, hein, nous sommes vos alliés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il y aura pour vous dans le paradis tout ce que vous désirez, et il y aura dedans également tout ce que vous demandez. Une demeure ou une résidence, hein, que Allah vous donnera, et il dit c'est de la part d'un pardonneur miséricordieux. Et il dit, ça c'est la récompense de ceux qui se sont mis sur la droiture et qui ont été fermes sur l'ordre d'Allah. Les anges vont descendre sur eux au moment de leur mort pour leur faire la bonne annonce du paradis, hein, et ils vont les traiter d'une manière qui est douce, hein, et agir avec eux avec douceur. Et l'un d'entre eux, c'est-à-dire l'un d'entre eux au moment de sa mort, va voir la place qui lui est réservée dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans ces versets: ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, c'est-à-dire qui ont cru en lui, qui l'ont unifié, hein, et qui ont rejeté tout ce qui était adoré en dehors de lui, Tabaraka wa Ta'ala, et qui sont restés fermes sur cela, les anges descendent sur eux dans cet état, dans cette situation difficile au moment de la mort, pour leur annoncer donc qu'ils seront au paradis. Et Allah leur fait voir la place qui leur est réservée dans le paradis, tandis que le kafir, ou la personne qui était égarée, eh bien, elle mérite le châtiment, et donc la personne verra la place qui lui est réservée dans l'enfer. Le cheikh, il dit ensuite, « فَعَلَيْنَا بِالِسْتِقَامَةِ وَالثَّبَاتِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ من عقائد وأعمال ومناهج سديدة فعلينا بمعرفتها والثبات عليها ودعوة الناس إليها فكما تحب الخير لنفسك تحبه لغيرك وتحب الخير حتى للكافر وتبذل جهدك لإبعاده عن النار وتقريبه إلى الجنة وهذا من الرحمة التي جاء بها الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين فهو جاء لإنقاذ الناس من النار فكان رحمة للعالمين ومع هذا يتطاولون عليه أعداء الله يتطاول عليه أعداء الله ويتهمون دينه بالوحشية وغير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il explique, il dit, nous devons donc rester sur la fermeté et la droiture sur laquelle était notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme en croyance, hein, dans les croyances et les convictions et dans les actions et dans la méthodologie de droiture que nous devons suivre. Et nous devons également avoir de la connaissance et rester ferme sur cette connaissance et inviter les autres à cette connaissance. Et il dit, de la même manière que tu aimes le bien pour toi-même, tu dois également l'aimer pour les autres. Et tu dois également aimer le bien même pour les kafirs, même pour la personne qui est mécréante. Et tu dois faire tout ce qu'il y a dans ton pouvoir et faire tous tes efforts pour essayer d'éloigner ce kafir de l'enfer et de le rapprocher du paradis. Et ça, c'est parmi les exemples de la miséricorde qui est venue avec l'islam et ce messager d'Allah que Allah a envoyé sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour les mondes et pour sauver l'humanité de l'enfer. Et donc, c'est une miséricorde pour l'humanité et pour tous les mondes. Et malgré cela, les ennemis de l'islam se permettent de parler contre lui et d'accuser sa religion de sauvage, d'être sauvage et des choses de ce genre. Et il n'y a pas de doute que tout ça, c'est des mensonges. Wala hawla wala quwwata illa billah. Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit, fa'alayna an numathila l'islam ahsana tamthil wa an naquuma bihi ahsana qiyam liyakbala annaas أو ليقبل الناس على الدخول فيه وليسهل إنقاذهم بإذن الله من النار وهذا أمر شرعه الله لنا فالعلماء ورثة الأنبياء والأنبياء يدعون الناس إلى الله ليدخلوا الجنة ولينجوا من النار وورثتهم كذلك يحرصون أشد الحرص على هداية الخلق فيبذل الداعي إلى الله كل الأساليب التي تزين الإسلام وتحسنه في أعين الناس ويبتعد عن الأسباب المنفرة. فالآن هؤلاء الذين يكفرون ويفجرون ويدمرون شوهوا الإسلام وسلطوا الأعداء عليه يطعنون فيه وفي نبيه عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الأعمال الوحشية والإسلام بريء منها. فينبغي أن نتخلق بأخلاق الإسلام أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم ونصلح أنفسنا ونثبت أو نثبت أنفسنا على الحق وندعو الناس إلى هذا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأخلاق العالية التي مدح الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد فطره الله على هذه الأخلاق، فحتى قبل أن يبعث كان يسمى بالصادق الأمين، وعرفوه بأحسن الأخلاق وأفضلها، ولكن لما صدع بالدعوة عانده المستكبرون. وأما من طهر قلبه من الكبر فاستجاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن شحنه الشيطان بالكبر والعناد مثل أبي جهل وأبي لهب كذبوه، وقد كانوا من قبل يعترفون بصدقه، حتى إنهم إذا خلا بهم أحد وسألهم هل محمد يكذب فيعترفون بأنه لم يكذب. Donc ici le Cheikh il mentionne un point intéressant aussi. Il dit, subhanallah, il dit nous devons donc être des exemples, des meilleurs exemples de l'islam. Et nous devons donc établir l'islam de la façon la plus parfaite et la meilleure, pour que les gens puissent accepter l'islam et pour qu'ils puissent entrer dans l'islam et pour qu'il soit plus facile pour nous de les sauver par la permission d'Allah de l'enfer. Et ça, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Et par conséquent, les prophètes, eux, ils invitent les gens à Allah, tabaraka wa ta'ala, et donc, il les appelle à entrer au paradis pour qu'ils puissent être sauvés de l'enfer. Et les héritiers des prophètes, eh bien, eux aussi, ils essaient avec beaucoup d'ardeur et beaucoup d'efforts, pour essayer le maximum et le plus qu'ils peuvent, de faire en sorte que les hommes soient guidés et que les êtres humains soient guidés à la vérité. Et donc, ils dépensent tout ce qu'ils peuvent. Et la personne qui invite à Allah, elle fait tout ce qui est en sa capacité pour essayer de faire en sorte d'embellir l'islam par tous les moyens licites et permis en islam, et d'enjoliver l'islam aux yeux des gens, et de s'écarter de toutes les causes qui pourraient faire éloigner les gens ou faire fuir les gens de l'islam. Donc, l'islam, il est en lui-même, comme le cheikh il le dit ici, l'islam en lui-même, il est beau. C'est la religion d'Allah, elle est belle. Mais des fois, quelqu'un, s'il n'utilise pas les bonnes méthodes et la bonne façon de présenter l'islam, il peut y arriver que certaines personnes, justement, soient des causes pour faire fuir les autres de la vérité et les éloigner de l'islam. Donc, il faut faire attention. Et le cheikh, il dit à propos de ça, par exemple, qu'aujourd'hui, tu vois les gens, par exemple, ceux qui font le takfir, ils déclarent mécréants les musulmans, les dirigeants, les ulamas, les musulmans en général, et qui font des attaques et des attentats, et qui détruisent, et font de la destruction, et ainsi de suite. les terroristes, ils salissent l'image de l'islam. Et ils permettent par la suite, à cause de ça, à ce que les koufars et les ennemis de l'islam, justement, utilisent ces actes-là comme un prétexte, justement, pour prendre le dessus sur les musulmans et pour écraser l'islam et pour écraser les musulmans. Et donc pour insulter et critiquer l'islam, les musulmans et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ces actes sauvages que ces gens-là posent. Et l'islam est innocent de ce qu'ils font. Donc il est important pour nous d'adopter le comportement de noblesse qui est enseigné par l'islam. Le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de nous réformer, hein, de nous réformer nous-mêmes pour nous accrocher fermement sur la vérité et inviter les gens vers la vérité et vers l'islam avec sagesse, avec la belle exhortation, avec les comportements nobles et élevés que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié chez son messager alayhi salat wa salam lorsqu'il lui a dit: et certes tu es sur un comportement et des manières qui sont immenses et grandes, hein? Et donc c'était pour montrer à quel point il avait un comportement noble, un comportement méritoire et noble et les meilleures manières. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait créé ainsi, sur les bons comportements et sur cette morale, hein, ce comportement moral et cette éthique et ces valeurs inégalées dans leur perfection et dans leur noblesse, jusqu'à ce qu'il soit envoyé comme messager, et même avant cela, il était appelé par ses contemporains et par son peuple « As-Sadiqul Amin », c'est-à-dire le véridique, hein, celui qui est honnête et fiable. Ça, c'était son surnom. Celui qui est véridique, il ne ment jamais. « Al-Amin », il est fiable et honnête, on peut lui faire confiance. Ça, c'était son surnom. Alayhi salatu wassalam, avant d'avoir reçu la révélation de l'islam, avant d'avoir reçu la révélation du Coran, il était déjà connu comme ça. Les gens avaient reconnu, hein, sa noblesse de caractère et son noble comportement et ses belles manières, hein, qu'il avait les meilleures manières et le meilleur des comportements, le plus noble des comportements. Et il dit, et lorsqu'il a divulguer sa da'wa et qu'il a appelé ouvertement les hommes au tawhid et à l'islam, les gens qui étaient orgueilleux et fiers se sont objectés et opposés à sa da'wa, tandis que celui qui avait un cœur pur et qui avait un cœur qui était purifié par Allah, hein, de toute forme d'orgueil, eh bien ceux-là ont répondu à son invitation, à l'invitation du messager sallallahu alayhi wa sallam, tandis que celui que le shaitan a poussé vers l'orgueil et l'obstination, hein, obstination dans le faux, comme Abu Jahl et Abu Lahab, eux, ils ont traité la vérité de mensonge et ils ont refusé d'accepter, hein, le message du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'auparavant, ils étaient les premiers à reconnaître qu'il était véridique. Hein? Et même que lorsqu'ils se réunissaient, hein, entre eux, les mushrikines, comme Abu Lahab et Abu Jahl, et qu'ils discutaient entre eux, et qu'ils posaient la question, est-ce que Mohammed ment? Ils reconnaissaient les uns aux autres qu'ils ne mentaient pas. Mais c'est l'orgueil. Hein? Des fois, certains parfois parmi les musulmans, ils s'imaginent que si, par exemple, les koufars, ils n'acceptent pas l'islam, c'est uniquement parce qu'ils sont ignorants. Ils disent non, les koufars, et même il y en a parmi les musulmans, certains ignorants qui qui disent non, il ne faut pas les appeler koufar parce qu'ils sont ignorants, ce n'est pas leur faute. Hein? Et ils s'imaginent que quelqu'un ne peut pas être kafir excepté s'il est ignorant. Parce qu'ils disent s'il n'était pas ignorant, il ne serait pas kafir. Hein? Il accepterait l'islam. Et ça, c'est faux. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à propos de beaucoup des koufars et des mouchriquins qu'ils étaient des gens qui avaient la connaissance. Mais des fois, quelqu'un peut avoir la connaissance de la vérité, mais à cause de l'orgueil qui est dans son cœur, il refuse de l'accepter avec connaissance. Hein? Donc ça, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des juifs, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça clairement dans ce verset ici. Il dit, yani ceux à qui nous avons donné le livre auparavant, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Hein? Et une partie d'entre eux cachent la vérité alors qu'ils savent. Hein? Donc c'est pour ça que il ne faut pas penser, et c'est incorrect de penser qu'un kafir est seulement kafir si il a la connaissance. Et que si, ou bien il est kafir que parce qu'il est ignorant, pardon. Hein? Il y a certains qui pensent comme ça, qu'un kafir, il n'est kafir que s'il est ignorant. Ou bien même certains qui disent, comme je disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas dire qu'un kafir est kafir, excepté s'il a la connaissance. Mais s'il est ignorant, il ne faut pas dire qu'il est kafir. Ce n'est pas une condition pour qu'un kafir soit kafir, qu'il ait la connaissance de la réalité de l'islam. Quelqu'un peut avoir, hein, de être dans l'ignorance, et malgré tout, c'est un kafir malgré tout, parce que depuis que quelqu'un n'a pas témoigné de l'islam, il n'est pas musulman, donc il est kafir par conséquent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement à ce sujet, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Et il dit, et si un d'entre les mushrikines, hein, te demande de le protéger, hein? C'est-à-dire le mushrik, il veut rentrer chez les musulmans pour yani, aller faire quelque chose qu'il a à faire, alors il te demande la protection pour aller faire qu'est-ce qu'il a à faire, hein? Et ensuite il retourne, ou bien il s'en va là où il veut aller. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah Tawbah, et si un d'entre les mushrikines, yani, te demande la sécurité, hein, pour passer où il veut, alors donne-lui la sécurité jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis ensuite amène-le à son lieu de sécurité. Hein? Parce que ce sont des gens qui ne savent pas. Donc ça, c'est important, yani, de comprendre que malgré qu'ils étaient ignorants, Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés mushrikin dans ce verset. Et ceci parce que ce sont des gens qui ne savent pas. Le fait qu'ils ne savaient pas ou qu'ils n'avaient pas la connaissance, ça n'a pas empêché Allah subhanahu wa ta'ala de les appeler des mushrikins. Donc ça, c'est un argument, une réponse à cette shubha. Ensuite, Cheikh, il a mentionné un récit qui est intéressant à propos des mushrikines justement et de leur orgueil, hein, pour montrer pourquoi ils rejetaient l'islam. Et c'était pas parce qu'ils ne savaient pas la vérité, ou c'était pas parce qu'ils savaient pas que le messager était véridique, mais c'était à cause de l'orgueil. Et il mentionne ce récit qui est tiré de Dala et le Nubuwa, de l'imam al-Bayhaqi et qui est mentionné aussi par Ibn Kathir dans al-Bidaya wa al-Nihaya. Il dit, Cheikh Rabi, il dit, Hafidhahullah, قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير وبكير عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري قال حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته وأخذوا كل رجل منهم مجلسا ليستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا لو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقالوا لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا فلما أصبح الأخنس ابن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها فقال لا أخنس وأنا والذي حلفت به ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد فقال ماذا سمعت تنازعنا نحن وأبن عبد مناف الشرف يعني أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا ككرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه فقام عنه الأخنس بن شريق. Donc c'est une belle histoire en fait. Subhanallah. Il dit donc c'est rapporté cette histoire par Al-Bayhaqi, il rapporte avec l'isnad jusqu'à Az-Zuhri. Il dit on m'a raconté que Abu Jahl, Abu Sufyan et Al-Akhnas ibn Shuraiq, les trois sortaient la nuit pour aller écouter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui priait dans sa maison la nuit. Et ils n'étaient pas musulmans à l'époque, c'était à Mecca, c'était des mushrikines. On sait que Abu Jahl, il est mort, mécréant. Et on sait que Abu Sufyan, lui, plus tard, il s'est converti à l'islam, lors de la conquête de la Mecque. Tandis que Al-Akhnas ibn Shuraiq, ça je ne sais pas, Allahu A'lam, mais yani, il raconte donc que les trois, ils se réunissent. Les trois ne savaient pas. Ils partaient, les trois, et ils allaient écouter le Coran. Chacun d'entre eux se plaçait à quelque part, il s'assoyait, et ils ne se voyaient pas, En fait, l'un ne savait pas que l'autre était là. Il restait toute la nuit à écouter le Coran. Puis lorsque venait l'aube, ils quittaient leur place et ils se retrouvaient sur le chemin. Alors, lorsqu'ils se retrouvaient, ils se blâmaient les uns les autres. Et ils disaient l'un à l'autre, on ne revient pas, hein, ne revenez pas. Parce que si certains faibles d'esprit parmi les gens de la Mecque vous voyaient de cette façon, réunis le matin autour de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il aurait peut-être il y en a quelque chose en lui-même, il y en a comme un doute à votre sujet ou quelque chose comme ça. Donc, ils se sont séparés en se disant qu'ils vont pas en se disant l'un l'autre qu'ils n'allaient pas revenir le lendemain. Puis la nuit suivante, chacun d'entre eux revenait à la place où il était la nuit précédente et ils passaient toute la nuit à écouter jusqu'à ce que l'aube arrivait. Et puis à ce moment-là, ils se séparent, ils quittaient leur place et ils s'en retournaient chez eux et ils se retrouvaient encore une fois sur le chemin. Alors ils se disaient l'un aux autres la même chose que ce qu'ils s'étaient dit la première fois. C'est-à-dire, ah, il fallait pas venir, c'est pas bien si on vient ici, les gens ils vont nous voir et ainsi de suite, ils vont commencer à parler. Donc, ils se sont séparés encore une fois. Et la troisième nuit, encore une fois, ils sont revenus pour écouter le Coran. Et ils ont passé toute la nuit, encore une fois, chacun à sa place. Puis lorsque l'aube est arrivée, ils se sont revus encore sur le chemin. Alors ils ont dit, écoutez, on va faire le serment, hein, et on va s'engager à ne plus jamais revenir. Alors ils ont fait le serment de ça. Puis ils se sont séparés. Alors lorsque l'aube est venue, un d'entre eux, Al-Akhnas ibn Shurayq, il a pris son bâton, puis il est sorti pour aller vers la maison de Abu Sufyan. Et il a dit, oh Abu Hanzala, en parlant à Abu Sufyan, il dit, qu'est-ce que tu penses de ce que tu entends de Muhammad, de qu'est-ce qu'il récite? Et il lui a dit, oh Abu Tha'laba, par Allah, j'ai entendu des choses que je reconnais, hein, des choses que je sais exactement ce qui est voulu dans ces paroles-là. Et Al-Akhnas a dit, et moi aussi, par celui par qui tu as juré. Et il a dit, alors il est sorti de chez Abu Sufyan et il est parti voir Abu Jahl. Alors il est rentré chez Abu Jahl dans sa maison. Il a dit, Ya Abul Hakam, quelle est ton opinion à propos de ce que tu entends, hein, de ce que Muhammad récite, c'est-à-dire le Coran et le message qu'il enseigne. Alors ils ont dit, Yani, qu'est-ce que j'ai entendu? Hein, qu'est-ce que j'ai entendu? On s'est disputé, nous et les fils d'Abdoumanaf, la noblesse. Ils ont nourri les gens, alors nous on a nourri les gens. Ils ont porté des choses, nous on a porté aussi. Ils ont donné, nous on a donné. Jusqu'à ce qu'on était tous les deux à genoux, à égalité, hein? Eh bien, il dit, c'est comme si l'un, eux, ils viennent, puis ils disent, on a un prophète parmi nous qui reçoit la révélation du ciel. Alors il dit, comment on va faire maintenant pour rattraper ça? Hein, pour les rejoindre dans ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que la famille de Bani Hashim était toujours en compétition entre les autres fils de Abdoumanaf. Hein. Ils sont tous en compétition. Les différentes familles de Quraysh, elles sont toutes en compétition l'une avec l'autre. Et là, ils étaient toujours en train de se battre pour la noblesse, pour savoir laquelle des familles de Quraysh était la plus noble. Et à chaque fois, ils étaient à égalité. Il dit, mais là maintenant, ils viennent pour dire que il y a un prophète parmi eux qui reçoit la révélation du ciel. Alors là, maintenant, comment on va faire pour les rattraper? C'est pas possible. Alors, à cause de ça, il dit, on ne va jamais, par Allah, on va jamais croire en lui. Hein? Alors à ce moment-là, l'Akhnas ibn Shurayq, il s'est levé et il est parti. Donc ça, c'est un exemple pour montrer comment Abu Jahl, il explique la raison de son rejet de l'islam et que ce n'était pas à cause qu'il avait un doute sur ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, mais c'était plutôt yani, à cause de son orgueil. Donc, Cheikh Rabi', il dit ensuite. Donc, le Cheikh, il dit, فعلينا بالأخلاق الفاضلة في الدعوة إلى الله وعلينا بالاستقامة على كتاب الله لأننا إذا دعونا الناس إلى التمسك بالإسلام فليكن لنا السبق البعيد في التمسك به. فبعض الناس تناقض أفعاله أقواله يعني أو تناقض أفعاله أقواله والله يقول لهذا الصنف كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ومن أشد الناس عذابا من يدعو الناس إلى الخير ولا يعمل به فكونوا صادقين في التعامل مع الله صادقين في تطبيق الإسلام ظاهرا وباطنا نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طريق الهدى وأن يرزقنا الاستقامة على دينه وأن يجنبنا الانحراف وأسبابه الانحراف وأسبابه إن ربنا لسميع الدعاء. Donc le cheikh il termine donc cette explication en disant: nous devons donc avoir la noblesse du comportement, le comportement yani, d'excellence dans notre façon d'inviter les hommes à l'islam, et nous devons également nous cramponner au livre d'Allah et rester fermes sur le livre d'Allah. Et il dit parce que nous devons y aller lorsque nous invitons les gens à l'islam, nous y accrocher. Et on doit devancer tout le monde d'une façon très large dans notre attachement à l'islam, parce que certaines personnes, leurs actions contredisent leurs paroles. Et Allah dit à propos de cette catégorie de personnes ce qu'il dit dans le verset 3 dans Surat As-Saff, كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعمل لا ما لا تفعلون. Il dit ça, c'est quelque chose qui amène une grande colère d'Allah lorsque vous dites ce que vous ne faites pas. Et donc il dit, donc les gens qui auront le châtiment le plus sévère au jour de la résurrection seront les hommes qui ont appelé au bien mais qui ne le pratiquaient pas eux-mêmes. Alors soyez sincères dans votre interaction et dans votre agissement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et soyez véridiques dans votre application de l'islam, que ce soit en apparence ou intérieurement. Et il dit, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir ainsi que vous-même sur le chemin de la guidance, et qu'il nous donne la fermeté sur sa religion et qu'il nous écarte de la déviation et des causes de la déviation. Certes, notre Seigneur exauce les invocations. Donc il termine donc ce hadith et son explication avec yani, cette parole. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera avec les autres cours, Inch'Allah, demain. Donc, juste pour vous rappeler que on aura une autre conférence tout de suite après, dans à peu près, Inch'Allah, 15 minutes, 15-20 minutes, parce que je dois faire le Maghreb, Salat al-Maghreb. Et puis après, Inch'Allah, je vais commencer la conférence, Inch'Allah, sur la radio Al-Furqan. J'ai posté le lien déjà sur Twitter. Donc, Inch'Allah, si vous voulez, je le reposterai encore une fois pour vous rappeler, Inch'Allah.